Audiomatic. La transmission 262 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du groupe chilien Los Chipitos de Chapultepec. et la composition Baila Teresa se retrouvant sur l'album homonyme Los Chipitos de Chapultepec, album paru en 2015. Nous sommes les sonoristes et nous vous accompagnerons jusqu'à la fin de cette transmission d'Audiomatique, mais avant d'en finir, donnons la place, si vous le voulez bien, au moment présent. Thank you. Audiomatic, nous venons d'entendre le groupe brooklynois Black Dice et leur composition Street Dude de leur troisième album judicieusement intitulé Broken Ear Record et qui est paru en 2005. Et ce qui précédait Black Dice, c'était le duo français Air et la chanson Venus de leur troisième album Talkie Walkie, lancé en 2004. Le pianiste Sonra et son orchestre nous accompagnent maintenant pour les 16 prochaines minutes avec la pièce I'll Wait For You. Far place, many light years in space. I'll wait for you. With a human feet, I never try. I'll wait for you. With a human eye, I've never seen. I'll build a world. Abstract dream. I'll wait for you. In some far place, many light years in space. In some far place, many light years in space. I'll wait for you. Thank you. à Audiomatique, nous avons entendu une longue pièce du défunt pianiste et jazzman Sun Ra, qui conduisait son orchestre pour nous offrir I'll Wait For You, une composition apparaissant sur l'album Strange Celestial Road, paru en 1980. Audiomatique se poursuit maintenant avec le duo britannique Plaid. Ah! Il s'agissait à Audiomatic du groupe Afro Celt Sound System et la pièce en deux parties, Sure as Not avec un K, Jungle Segway, de leur premier album, Volume 1 Sound Magic, qui est sorti en 1996. Et pour débuter, nous avions droit au duo anglais Plaid et leur composition Beau Booch, extraite de leur Peel Session, qui a été diffusée sur les ondes de la BBC le 8 janvier 1998. La transmission 262 d'Audiomatic se conclura sur la musique de la formation espagnole Esplendor Geometrico et sa pièce Atar, apparaissant sur l'album Nador, composé en 1989. Les sonoristes vous retrouveront mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou pour la transmission 263 d'Audiomatic. Nous efforçons toujours de rendre disponibles nos anciennes émissions en balado-diffusion sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc pour terminer Esplendor Geometrico et Atar. C'était Audiomatic avec les sonoristes.